Chapitre 2e. En mémoire de Mathilde. Le mardi matin était une journée en tout point semblable à la veille, grise, venteuse et froide. Une chape de plomb avait emprisonné la capitale et ne semblait pas vouloir se lever. Le ciel était bas et jaune sale, l'air chargé de carburant. Pour couronner le tout, vers 10 heures, il se mit à bruiner. Morand se présenta à 10h15. Dutilleul venait de réclamer un second thé et remontait le chauffage de son bureau. Il avait froid. Morand lui parut fatigué. La soirée s'était finie assez tard. « Tu veux boire quelque chose ?» dit Dutilleul en guise d'introduction. « Un café bien fort ne serait pas de refus. »« Patricia va te préparer ça. »« Patricia » appela-t-il par l'interphone. « Pouvez-vous préparer un café bien fort pour Monsieur Morand ?» Une voix légèrement déformée répondit aussitôt. « Bien sûr, monsieur. Je vous l'amène tout de suite. Du sucre ?» Morand fit signe qu'il en voulait deux. « Oui, deux. Merci. » Puis il relâcha le bouton. « En plus, tu disposes de la meilleure assistante du service. Note bien que tu la mérites. »« Tu ne vas pas recommencer ?» interrompit volontairement Dutilleul. « Dis-moi plutôt ce qui t'amène. »« Ne me bouscule pas, va. Ce n'est pas si facile. C'est une vieille histoire. » « Je ne sais même pas. » À cet instant, Patricia Martineau entra avec le café demandé, puis quitta discrètement la pièce en prenant soin de bien refermer la porte derrière elle. « Tu disais ?»« Je disais que je ne suis même pas sûr que ça vaille bien la peine de remuer tout cela. »« C'est à toi de voir. D'un autre côté, si ça peut t'aider. Je suis assez désœuvré en ce moment, alors. Fais-moi toujours la raconte. »« Ben, ce n'est pas tout frais. En fait, ça remonte à plus de 25 ans. Une affaire bizarre. » Une baby-sitter tombée dans l'escalier. Dutilleul interrompit instantanément Morand. « Attends, ça me dit quelque chose. Pour cause, ça fait les gros titres à l'époque, tu penses, 17 ans. Comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Mathilde. Mathilde Pradier, ravissante. » »« N'y avait-il pas deux enfants impliqués ?»« Si. Ta mémoire ne te met pas en défaut. Il y avait effectivement deux gosses, 8 et 9 ans, un garçon et une fille. » Maintenant, ça me revient. L'affaire a fait surtout scandale parce qu'ils sont restés toute la journée avec le cadavre de la jeune fille dans l'escalier. Je crois que quand la mère est rentrée, ils jouaient sagement dans leur chambre. Ils n'avaient même pas osé descendre pour manger ou pour appeler quelqu'un. Tu as tout bon, comme on dit par chez moi. Cette affaire était effectivement atroce. C'est encore pire que tu ne le crois. Selon le médecin légiste, la fille est morte vers 9 heures, tuée sur le coup. Alors même que la mère n'est rentrée de son shopping que vers 17h30. Où était-elle? À Paris. C'était le 7 décembre et elle faisait ses courses pour Noël, comme tout le monde. Elle a expliqué qu'elle aimait bien s'y prendre tôt pour éviter la foule. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle avait même acheté un joli foulard pour la jeune fille parce qu'elle l'aimait beaucoup. Le mari? Alibi inattaquable. Il n'a pas quitté son laboratoire de toute la journée. Comme il travaillait en zone sécurisée, il devait présenter son badge à chaque sortie, même pour aller pisser. Tu comprends qu'il a été très facile de vérifier. Pas d'aventure de son côté à lui, une jeune et jolie baby-sitter. Tu penses bien qu'on y a songé. C'est même la première piste qu'on a explorée. Heureusement, il n'y avait rien. Pas plus de son côté à elle que de son côté à lui. En fait, c'était un gentil petit couple. Finalement, assez bien assorti. Lui n'avait rien du Roméo et elle rien d'une Juliette non plus. La malheureuse portait de grosses lunettes parce qu'elle était myope comme une taupe. L'enquête de voisinage? Rien de ce côté-là non plus, pas très connu dans le quartier, mais excellente réputation. La situation financière? Plus que confortable, lui avait un très bon salaire. C'était, malgré son aspect banal, un très bon chercheur, très bien noté. Elle avait également du bien. Elle était fille unique. Ses parents avaient tenu une petite quincaillerie dans le temps. Elle l'a vendue plus que confortablement à leur décès. Comme ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, exigence de ses parents à elle, bien entendu, chacun avait suffisamment pour pouvoir à ses propres besoins. Curieusement, cela n'a eu aucune incidence sur leur vie de couple, même si les enfants furent longs à venir. Tiens, oui, ils ont dû attendre 9 ans, puis 2 grossesses rapprochées. Revenons à la fille, si tu veux bien. Quelque chose de son côté? Non. Elle habitait la ville voisine, bonne élève. Elle venait de décrocher son bac. Je crois qu'elle voulait être infirmière. Les parents? Là encore, milieu tout ce qu'il y a de plus banal. Père, employé administratif dans une petite société d'assurance, mère au foyer, deux frères, plus jeunes, n'avait jamais posé de problème. Comme c'était la troisième fois qu'elle gardait les enfants dans cette famille, la mère ne s'est pas inquiétée. Puis, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Un petit copain? Pas de connu, en tout cas. Celui-ci ne s'est jamais manifesté. Curieux, parce qu'en tout cas, elle n'était plus vierge au moment de sa mort. Pas exceptionnel. Non, je suis d'accord. En plus, elle était vraiment jolie. Elle aura au moins connu ça. Sa réputation. Là aussi, rien à dire. Pas une allumeuse. N'a jamais fait d'histoire. Connaît-il des enfants? C'est bien le point qui me turlupine. Avec eux, j'ai raté quelque chose. On les a interrogés? Pas vraiment, si tu veux mon avis. On est parti du fait qu'ils étaient traumatisés. C'est vrai qu'il y avait de quoi. Mais je pense qu'on aurait dû pousser un peu plus loin. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils savaient quelque chose. La gamine me paraissait bien trop calme, surtout si l'on considère les circonstances du drame. C'était vraiment une chute très violente. Traumatisme crânien, plusieurs vertèbres brisées. Si Mathilde Pradi avait survécu à ses blessures, elle aurait été paralysée à vie. La gosse, elle, donnait l'impression de ne rien ressentir. Ont-ils consulté un pédopsychiatre? Oui, mais autre bizarrerie, il n'a jamais voulu communiquer ses notes. Tu as un nom? Vauquier, un nom dans ce genre-là. J'essaierai de me renseigner. Maintenant, donne-moi ton sentiment. Tu veux vraiment le connaître? Oui, j'aimerais assez. Je ne sais pas si je peux te le dire. Tu vas certainement me prendre pour un allumé. Lance-toi toujours. Eh bien, si tu veux vraiment mon sentiment, toute cette affaire n'est pas nette. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il y a le problème du téléphone. Que veux-tu dire? Les journaux ont rapporté que le téléphone était en bas, ce qui était vrai. Seulement, ce qu'ils ont oublié de mentionner, c'est qu'il y en avait un autre dans la chambre des parents et celle-ci n'était pas à proximité de l'escalier. Tu penses bien que j'ai vérifié? Du palier des deux chambres, il était absolument impossible de voir le corps. Mathilde Pradi a dévalé les trois quarts de l'escalier et comme celui-ci faisait un coude, je comprends très bien qu'il n'ait pas voulu s'approcher du corps, mais pourquoi n'ont-ils pas donné l'alerte? Leur mère étant à Paris, il était impossible de la joindre. D'accord, mais le père? La grand-mère paternelle qui habitait presque à côté. Elle avait une voiture et conduisait. Elle pouvait rapidement se rendre sur les lieux et faire intervenir les secours. Avec un peu de chance, on aurait peut-être pu sauver la fille. Tu as dit toi-même que s'il avait survécu à ses blessures, elle serait demeurée lourdement handicapée. Sans aucun doute, mais au moins quelque chose aurait été tenté, tandis que là... Comprends-tu pourquoi je me sens si coupable? J'ai vraiment le sentiment de ne pas être allé au fond des choses et cela me déprime. Tu crois qu'il y a encore quelque chose à récolter après toutes ces années? Ma main a coupé. Tu comprends, rien ne colle dans cette histoire. J'ai vu la liste des numéros bien en évidence à côté du téléphone. Bon Dieu, ces gosses n'avaient qu'un numéro à composer. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Surtout, pourquoi se sont-ils montrés si peu concernés? Je crois me souvenir qu'ils ne la connaissaient pas beaucoup. Ta mémoire ne te fait pas défaut, mais tout de même, elle est morte pratiquement devant leurs yeux. Ils étaient sans doute en état de choc. Non, je ne marche pas, c'était trop facile. Toi, tu as une idée bien arrêtée sur toute cette affaire. Oui, mais je ne vais pas t'en faire part. Je veux que tu te fasses ta propre opinion. Tu veux que je creuse discrètement? Franchement? Ouais. Il faut que quelqu'un reprenne le témoin. Tu comprends, elle n'était qu'une gamine de 17 ans. Au fait, quel rapport avec la Normandie? Ça se passait là-bas, pas très loin de Honfleur. Tu peux me rappeler l'année? 1977. J'ai même conservé une copie du dossier. Tu le prends? Oui, mais n'attends pas de miracle. Tu me tiendras au courant? Sûr, si tu laisses une adresse. Je te laisserai une adresse en poste restante. Ma femme ne veut plus entendre parler de tout cela, et cette affaire encore moins qu'une autre. C'est vrai qu'elle a salement morflé à l'époque. Je passais littéralement ma vie au bureau. C'est d'accord. Merci pour elle. N'oublie surtout pas de me communiquer le dossier.